Radio Arc-en-Ciel, belle journée et bon réveil sous la radio couleur. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui, Francky, jusqu'à 9h. On espère que vous allez bien. Un petit coucou à Elodie qui vient de se réveiller, qui nous souhaite une belle journée sous le soleil, jusqu'à 17-18 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour bien démarrer cette matinée, voici les Modern Talking. Le meilleur de la musique pour bien vous réveiller. Il est 7h03. Je suis vraiment, vraiment heureux de vous retrouver. Francky dans la radio. Eh ouais, notre invité tout à l'heure, Alex Lebaille. Eh oui, l'habitué des studios de la radio Arc-en-Ciel. Heureux d'être là avec le petit déj peut-être pour vous. En tout cas, bon courage pour vous si vous allez au taf ce matin. Voici le son de Love Generation. No lo sé.

7h10, bienvenue sur la radio couleur d'un mec tout connaissant. De moi ton cœur ce matin, de moi le soleil parce qu'il sera là toute la journée. Ça c'est la très très bonne nouvelle, jusqu'à 17-18 degrés. En fait on prend les mêmes qu'hier et on recommence. Coucou à Nathalie qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, belle journée avec le soleil qui arrive. Ouais, on vous l'amène au bureau, au petit-déj ce matin. Courage à vous si vous allez au taf. Ouais, pas facile hein, le mardi, mercredi, bah c'est pas facile tous les jours. Mais bon, ouais, faut rire, hein, faut nourrir la famille aussi. Le son de l'été, il y a bientôt 10 ans, écrit par mon poteau Saint-Ange du collectif Métissé. J'ai vu la semaine dernière d'ailleurs. Super poteau, je lui passe le petit clin d'œil ce matin. On essaiera de l'appeler tiens, ce matin, mon petit Saint-Ange, voir s'il va bien. Avec le titre phare de 2010, voici Kinvé, j'aimerais trop qu'elle m'aime. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Alors les villes, ma demoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je deviens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai avec elle. Conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non. Mon ami, tu rêves, car cette fille n'est pas pour toi. Saint-Ange du collectif Métissé qui a écrit cet album. J'aimerais trop vous entendre au téléphone. Tiens, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous avez un petit message à faire passer ce matin, vous qui êtes peut-être en vacances, bah ouais, il y en a qui sont en vacances, on profite. On est là jusqu'à 9h, c'est Francky dans la radio. Welcome Bandy à la planète. ton rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et ouais, et puis si on peut filer un coup de main, il y a un carrossier qui cherche des carrossiers. Alors, c'est pas facile à trouver apparemment. C'est comme les bouchers, comme les serveurs, comme plein de métiers qui ont été un petit peu oubliés. Et ben justement, si vous voulez, si vous êtes intéressé par le métier de carrossier, vous êtes carrossier, vous cherchez du boulot, le salaire est super motivant. Ça peut peut-être mettre du beurre dans les épinards, comme on dit à la fin du mois. Et bien vous m'appelez à la radio et je vous donnerai les coordonnées de l'entreprise. 0238 43 48 00. Si le métier de carrossier vous intéresse et le poste est à prendre, là ce matin, vous allez avec la caisse à outils là, vous déboulez là-haut. Hein. En tout cas, vous m'appelez 0238 43 48 00. Jean-Jacques Goldman qui arrive, on y va. Sur la route avec Francky au réveil, 7h-9h. Goldman, le meilleur de la musique. Je me crois belle. Tu me crois belle. Ouais, Goldman, on adore. Allez, jusqu'au bout, hein. Un jour on partira. Ouais, tu verras, un jour on partira, si promis. Tu me crois Mais on te croit, Jean-Jacques, qui est quand même le chanteur préféré des Français, toujours, bah ouais. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit déj à vous, si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé, Saint-Mémin, Juju qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui fête ses 41 ans. Happy birthday, Juju, joyeux anniversaire. On vous rappelle l'événement de la radio, c'est samedi, alors samedi on va mettre le paquet sur scène. Capanegra, ils seront là, ah, on a eu hier Jérôme au téléphone qui nous en parlait. Agatha, la chanteuse du Portugal, qui se déplace spécialement pour nous, une grande chanteuse depuis les années 80, qui cartonne, et elle sera là samedi soir. On vous rappelle la date, samedi 30 avril à partir de 21h, c'est à Saint-Privé, Saint-Mémin. Venez nombreux et nombreuses encourager Capaneg, là, encourager avec cette belle chanteuse sur scène, Agda, qui sera là pour vous faire vibrer tout au long de cette soirée. L'entrée 10€, 8€ pour les adhérents. Voilà, donc une belle soirée à ne pas louper. Je vous rappelle, c'est samedi, c'est à Saint-Privé, Saint-Mémin, et ça démarre à 21h. On pourra boire un petit peu sur place, se restaurer. Ça va peut-être pas mal. Justement, si vous n'êtes pas adhérent de la radio, bah devenez adhérent, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Voilà, comme ça toute l'année vous allez pouvoir bénéficier des bons plans de la radio Arc-en-Ciel. Eh ouais, et puis il y en a, je peux vous le dire, hein. Donc 02 38 43 48 00. Venez aider notre radio, venez nous filer un petit coup de main, venez de devenir adhérent. 20 balles à l'année, franchement, c'est donné, je vous la paye l'adhésion même s'il faut. Agatha, justement, elle arrive, elle sera la samedi soir sur scène avec Radio Arc-en-Ciel. Où le sol caliente, bon dia à la planète et bon dia à la famille, 7h24. Agatha sur scène, c'est samedi avec la Radio Arc-en-Ciel à 21h à l'espace de Saint-Privé, Saint-Mémin. Un bel événement Radio Arc-en-Ciel, à ne pas rater la fête des œillets. Bah oui, j'espère compter sur vous. Venez nous rejoindre, samedi 21h à Saint-Privé, Saint-Mémin. Comptez dans la radio en direct. Et puis coucou à Estella qui est connectée du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Tiens, bah ça tombe bien, voilà. Céline Dion qui va mieux. Elle est un petit peu malade, elle va bientôt reprendre la scène. Voici le tube qu'on adore, c'est I'm Alive. Belle journée, bon réveil. I can't wait to fly. I feel that douceur, on finit s'il vous plaît. Coucou à Mathieu qui est connecté à Saint-Privé, Saint-Mémin encore. Dis donc, on écoutait Saint-Privé aujourd'hui. Salut Mathieu, belle journée à toi, bon réveil, courage, il va au taf ce matin comme vous, peut-être dans la voiture, avec du son Latina, Isabella. Belle journée, bon petit-déj, bon mercredi aujourd'hui. Bah ouais, ça y est, c'est le jour des enfants apparemment. Bah ouais. Coucou à tous les enfants, bon réveil, Radio Français 96.2 FM et un peu de soleil pour vous sortir du lit. C'est 35 minutes en direct ce matin sur Radio Arc-en-Ciel avec un peu de douceur comme ça, ça fait du bien au bord de la piscine. Peut-être vous, Alex Lebaille, qui est arrivé dans les studios. Ah ouais, il est là, hein, la star de la radio. Hein, ça y est, c'est devenu une star. On l'adore sur Radio Arc-en-Ciel. Bah, la première fois, il était venu chez nous. Ouais, ça nous fait plaisir de le recevoir ce matin. Et justement, on l'adore aussi. I'll feel a song. Voici Alex Lebaille qui est dans les studios au petit café ce matin, au petit soin avec nous. Il vient juste d'arriver et il est là ce matin. Écoute. Dans la rue, ton bras m'a frôlé presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Dès le matin, bah, il est là, il vient d'arriver dans les studios. Ça, je peux vous dire, ça vous met de bonne humeur. I'll feel a song, c'est Alex Lebaille dans les studios de la radio Arc-en-Ciel qui arrive bientôt en interview. On avait dit vers 8h à peu près au petit café. Le meilleur des souvenirs, Janet Jackson, Together Again. Belle journée, bon courage à vous si vous allez au taf. La petite sœur Jackson, oh my god, Michael Jackson. Et Janet. My Girl, la petite Michael, Janet Jackson, enfin, la petite sœur, elle est plus jeune non plus, hein, hein, oh. 7h41 minutes, la météo. La météo. La météo pour aujourd'hui, bien le ciel est ensoleillé, c'est comme hier, hein, avec 19 degrés toute la journée, ça va faire du bien. La journée la plus chaude, alors je vous le dis tout de suite, je regarde, ça va être demain. Demain, on va frôler les 22 degrés. Alors normalement, ça annonce un week-end plutôt pas mal. À part vendredi, ça va être assez nuageux, mais pas de pluie prévue au programme. Mais ce week-end, donc, on peut prévoir peut-être le barbecue, hein, jusqu'à 18-19 degrés, avec du soleil, quelques petits nuages, mais très timides. En gros, la semaine va plutôt être pas mal et ça va perdurer jusqu'à la semaine prochaine. Voilà la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il arrive en direct à 8h. C'est Alex Lebaille qui est notre invité ce matin, justement. Et il a amené des CD. C'est comme le Père Noël, en fait. Vous savez, le Père Noël, le 24 décembre, il vous amène des petits cadeaux. Et bien, lui, il arrive à la radio. Le petit bonjour, le petit café. On est bien tranquille là. Avec du sucre. Ah ouais, c'est important, le sucre. Et bien, ce matin, on vous offre seulement cette EP de monsieur Alex Lebaille. Il est là, je l'ai dans les mains. Tiens, le premier, le cinquième qui m'appelle, 02-38-43-48-00, je lui offre ce bel EP d'Alex Lebaille qui est là. Il est tranquille, il est posé avec la femme de ménage qui se balade avec l'aspirateur en même temps. Et on est bien dans les studios. 02-38-43-48-00, vous m'appelez et je vous offre l'album d'Alex Lebaille. Elle est pas belle la vie. Allez, Rayos del Sol, 7h43. Camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. Que sí. Cuando ya quiera nos vamos de aquí, porque en mi casa ya sigue el party. Cuando se quitan los toda la ropa, me cayó un beso tu boca. Voy jugando con tu pelo, mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura. Los dos juntitos por siempre, tomados de tu cintura. Solo te pido que esta noche bailes conmigo. Puedo llevarla hasta el cielo, pa' que se quede conmigo. Et c'est ce que je me disais avec Alex Lebaille. Un micro, un appel, hein. Comme quoi, au moins, il y a au moins une personne qui m'écoute ce matin, c'est monsieur Feria. Bonjour, monsieur Feria, Bandeya. Bandeya. Comment il va bien, monsieur Feria? Ça va, ça va. Ça va, le petit bout de chou, il pousse parce que t'es papa encore, là, depuis très peu de temps, là. Bah, ça fait aujourd'hui un mois. Eh ben, un mois, bah, félicitations, moi, bah, t'as vu, un mois aujourd'hui, bah, ça fait le petit cadeau, Alex Lebaille, qui t'offre son album, il est avec moi, il est en train de te dédicacer. Heureux? Alors, j'espère. Okay. Voilà, tu vas pouvoir m'écouter ça tranquillement dans la bagnole quand tu vas aller au boulot le matin. Hein? Bon, tranquille. Bon, c'est pas tout suite, j'ai encore un mois de vacances. Ah, t'es encore en vacances? Oh la fainéasse, celui-là, dis donc. Ah, oui. En tout cas, il est en train de te dédicacer l'album et je te le laisse à la radio, tu passes quand tu veux dans mon casier, il sera dispo pour toi, mon ami. On fait comme ça? Ok, ma poule, on fait ça. Eh ben, on fait ça, mon ami. Je te souhaite une belle journée, monsieur Feria. Merci, toi aussi. Belle journée sous le soleil de la radio avec Caméléon qui arrive en direct et puis les dédicaces qui arrivent. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Eh ouais, on vous réveille, le son latina, le meilleur de la musique, 7h45 minutes. Aguanto más. Mi corazón me pide más. olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más. Mas, il arrive en direct à 8h, Alex Lebaï dans le studio. Il a fait le printemps de Bourges il y a pas longtemps. Ah, belle scène, hein, le printemps de Bourges. Il faut le faire au moins. Au moins une fois dans sa vie. On sait que par exemple, les Rita Mitsuko avaient fait le printemps de Bourges à l'époque. Alors ça, ça a été dans les années 80. Hein. Ils avaient été même, ils avaient cartonné là-haut. Ils étaient pas très très connus encore. Et justement, le printemps de Bourges, ça peut peut-être être le petit escalier qui peut vous aider dans votre carrière professionnelle. En tout cas, niveau musique, lui, on l'a vite oublié, mais il revient avec un petit remix. C'est Camaro. Les années 2000 avec Femme Like You. Belle journée, bon réveil. 7h49 minutes. Alex Lebaï qui arrive dans moins de 10 minutes. Et préparez-vous, le nouvel album à gagner. Ah, peut-être vous. Eh ouais. Ou un homme like you, pourquoi pas. Ah, il est dans les studios, il a fait le printemps de Bourges, il rentre du printemps de Bourges. La première fois qu'il est venu en radio, c'était chez nous, Alex Lebaï. Ça y est, cartonne maintenant. Ah ouais, il est sur toutes les grosses radios. Hein. Ah ouais, mais bon, voilà, comme quoi on revient aux sources. Hein. Ah ouais. On l'accueille dans moins de 10 minutes et puis j'ai des albums à vous filer. La vie, je te le dois, heure à l'heure, éphémère, le tourment, I Feel a Song, le titre que j'adore, qui ressemble un peu à du Indochine. Il est de retour dans les studios de la radio arc-en-ciel, notre invité à 8h, Alexandre Lebaï, dans les studios. Et juste avant, bah, c'est lui qui cartonne en ce moment, il s'appelle Yans. Clic, clic, pan, pan. Eh ouais, c'est ça. Voilà, maintenant, faut pas grand-chose pour faire un titre. En tout cas, on aime bien sur la radio arc-en-ciel. Voici Yans, Radio Couleur, arc-en-ciel, Orléans, 96 de FM. Comment j'aurais fait pour pas te voir? Chaque passé, c'est le passé. ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Je peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'étais mon chouchou, je peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles parmi les autres, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi. Chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou. Je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je ferais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Ça fait clic, clic, clic, pom, pom, pom. Je vois ton petit. Clic, clic, pom, pom. Ah, faut pas grand chose pour faire un titre, hein. Bah, clic, clic, pom, pom. Ça y est, on fait un tube, hein. Bon, on aime bien, c'est rigolo. Bon. Ah, c'est pas Alex Levaille, mais bon, on aime bien, on aime bien. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. 7h55 minutes, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, merci d'être de plus en plus nombreux le matin. Nos journées, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et justement, le matin, on peut vous filer du boulot aussi, bah ça peut être intéressant. Vous qui cherchez du travail, vous cherchez du boulot en ce moment, vous êtes carrossier? Ah ouais, ça y est, oui, bah ça tombe bien, parce qu'on a un carrossier qui recherche, bah un carrossier, voilà, un métier qui est pas facile mais à trouver, ouais, c'est comme les serveurs, c'est comme les barman, c'est comme tout ça, pas facile, du coup, si vous êtes intéressé, vous avez le métier de carrossier, vous aimez ça, vous voulez travailler, vous êtes motivé, je peux vous dire que le salaire est motivant, le job, ça va, c'est sympatoche de réparer des bagnoles, des camions, etc., ça peut être bien, en tout cas, si le job vous intéresse, vous m'appelez au 02 38 40 43 48 00, et je vous mettrai en relation directement avec le garage. 02 38 43 48 00. Le métier de carrossier vous intéresse, eh bien allez-y. Et puis ça, c'est un métier qui va toujours durer. Il y aura toujours des gens qui savent pas conduire, qui auront des accidents, comme moi par exemple. Et ben voilà, 02 38 43 48 00, vous m'appelez et je vous file le coordonnée direct du responsable du garage. Et après vous allez le voir, tac, vous réparez des bagnoles, voilà, vous les tac tac tac, hein, un petit coup de marteau, un petit coup de ponçage, un petit coup de peinture. Hein, bon, tu connais pas grand chose, mais c'est à peu près ça. Heureux d'être avec vous, Francky dans la radio, 7h-9h, et il arrive dans 4 minutes, Alex Lebaille est dans les studios, on est bien, c'est la famille, c'est un cousin même, hein, ouais, il est là depuis 20 ans, on se connaît, hein, allez, oh, c'est le cousin. Il passe dans toutes les radios, France Bleu, etc., mais il vient chez nous en priorité, bah c'est ça la famille. Kenji, avec cool, à la cool ce matin, et puis, Alex Lebaille est dans les studios, il arrive, ça y est, préparez-vous, l'interview, et le CD a gagné, l'album, ah, écoute la radio, ça va pas tarder à tomber. M'amuser un peu pour tuer l'ennui, pour les fun, pour draguer les copines, pas pour passer dans les magazines. Je ne passais pas pour pouvoir toucher le cœur des gens, mais le destin en a décidé autrement. Je suis là devant vous sur la scène, à vous donner mon amour et ma peine. Y'a eu les plateaux, y'a eu les photos, y'a eu les télés et les bilans gênés. Car ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la serenade Eva Longoria. Tout a changé, je suis passé. Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Mais je roule, roule, roule. Même sans savoir où je vais. Je la joue cool, cool, cool. J'ai pas l'intention de changer. Et je roule, roule, roule. Avec ceux qui m'aiment, qui m'aiment. Hey. Cool. Cool. Cool. Cool. J'ai passé des nuits à jouer sur ma guitare. Je rêvais de concert, jamais de la gloire. Pour kiffer, passer des soirées folles. Pas pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis, je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens prêt à décrocher la lune. Y'a eu les tournées, les gens par milliers. Les vues par millions, par la télévision. Si par le destin, tout finit demain. Je ne sais pas où j'irai, mais je sais d'où je viens. Tout a changé. Je suis passé. Je sais pas chanter, moi. J'aurais pas dû être chanteur, hein, je vous le dis. En tout cas, lui, il est chanteur, ça c'est sûr. Il est notre invité, on l'accueille tout de suite. Eh, c'est pas Kenji, c'est du mieux. Et notre ami, qui est là, Alex. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Moi, j'ai rien contre Kenji, hein, Alex. Ça va, Alex? Ça va, Francky, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de te retrouver sur Radio Arc-en-Ciel. Bah oui, bah moi aussi, ça me fait plaisir de venir. Ouais, t'entends, hein, tu passes nous voir dès que tu vois de la lumière. Enfin, voilà. La lumière, c'est compliqué d'en bas, mais... Sur le toit, quand tu penses en hélicoptère, parce que maintenant t'as un hélicoptère. Oh bah oui, oui. Au moins ça, hein. Comment il va, Alex Le Bail? Eh ben, impeccable. Plein de projets, plein de choses et tout, donc c'est super cool. Alors là, t'as fait une belle scène, c'est le printemps de Bourges. Oui, sur la scène du Berry, donc une super expérience. J'ai fait trois, bah, pas avec la Jarry, mais la Jarry, on jouait sur la même scène. Sur la même scène, ouais. On jouait le samedi soir. Je me suis compris, bien vu, hein, ouais. Comment ça s'est passé, hein, la scène, le printemps de Bourges, comment, parce qu'après, toutes ces années de Covid, on a l'impression qu'on est en 2055, là. Mais, ouais, ça, le public était là, les gens réceptifs, voilà, t'as senti un petit retrait, non? Il y avait un peu de pluie, quand même, je pense qu'il y avait moins que les autres années. Ah ouais, parce que le printemps de Bourges, c'est une institution, hein. Mais non, vraiment un super moment. J'ai joué trois fois. Non, une fois sur cette grosse scène du Berry, et puis deux fois place Sérocourt en plein milieu du printemps de Bourges. Donc vraiment quand même une super expérience, même s'il y avait moins de monde que d'habitude. Les gens étaient réceptifs, ils ne connaissaient pas forcément. Après, à la base, le printemps de Bourges, c'est de découvrir les nouvelles scènes. On voit Olivia Ruiz, par exemple, qui a été découverte là-haut. Hein, comment elle s'appelle aussi, Joy Jonathan, qui a été découverte là-haut. Il y en a plein. Toi, ça t'a fait quoi d'être face au public qui ne connaissaient pas forcément Alex Le Bail? Ils sont arrêtés, ils ont regardé, ils ont écouté, ils ont apprécié, ils ont applaudi ou ils sont barrés? Non, mais ils sont tous partis. Non, c'était génial. Et puis de voir un petit peu tout le monde se mettre autour, s'arrêter au fur et à mesure, prendre des vidéos. Ouais, après, on m'a renvoyé. C'est ça qui est impressionnant. C'est dire, ah, le mec, il me filme, il écoute, il kiffe peut-être mon titre ou le EP que t'as écrit. Ouais, donc non, ça c'était vraiment une super expérience et c'était génial de, et puis après de pouvoir discuter aussi avec les gens, expliquer un petit peu mon parcours et tout ça, donc vraiment une super expérience. T'as dû passer du temps parce que pendant moi il y a du monde, il y a du people quand même là-haut, donc t'as passé du temps à raconter comment que t'as créé ton album, etc., ton EP, comment que ça s'est passé, l'aventure d'Alex Le Bail, les mésaventures aussi parce qu'il y en a eu malheureusement, mais aujourd'hui t'es toujours là et ça fait plaisir de te recevoir ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, il y a eu beaucoup d'histoires à raconter. Alors après, j'ai eu la chance d'être en dédicace sur la boutique officielle du Printemps de Bourges, donc ça m'a laissé du temps pour pouvoir en discuter et faire des photos, expliquer et tout, donc c'était chouette. C'était chouette, une belle aventure, ouais. Alors la suite, ça se prépare comment, Alex Le Bail? Il y a des concerts de prévus, comment on promotionne aujourd'hui Alex Le Bail, avec notamment nous, les médias, qui sont là pour ça, justement? Ben là j'ai pas mal de concerts là, jusqu'à la rentrée. Ouais. Un petit peu partout à Orléans, mais aussi à Mont-de-Marsan. Je vais aller à Poitiers. Ah ouais, Mont-de-Marsan carrément. Poitiers, c'est bien, ça. Saint-Dizier. Enfin non, j'ai pas mal de en région parisienne aussi. Mm-hmm. Donc pas mal de choses. D'ailleurs, je fais un appel s'il y a quelqu'un qui souhaite un concert, que ce soit un restaurant, un bar ou quoi que ce soit, ouais, ou même un événement privé, n'hésitez pas. Il me reste encore quelques dates, donc avec grand plaisir. Et voilà, le but cette année, c'est de rayonner un maximum, parce c'est qu'on ça. Prépare le nouvel album qui va sortir l'année prochaine, donc surprise alors. Voilà, on a des gros sons, et même ça te fera plaisir parce qu'on est plus ancré sur la chanson que t'aimes bien, avec Fin et le son de la sixième. Oui, celle-là je l'adore. Bah, moi je l'écoute ça chez moi dans la baraque et tout, hein. Je fais le ménage avec, hein. Non, on adore. En tout cas, on va écouter un extrait de cet album La Vie qui porte le même titre. Et on adore ce titre aussi sur Radio Arc-en-Ciel. Découvrez peut-être pour la première fois aussi Alex Le Bail, mon Alex, j'adore celui-là, t'aimes bien. C'est mon préféré. Gamin, j'avais un rêve. Jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève. Après m'être effondré, I'm not afraid to j'avais espoir. La vie m'a oublié. Je voulais te revoir sans jamais arrêter. La vie est dure, mais ça pas facile tous les jours, c'est vrai, hein, Alex. Mais oui. Eh ouais, l'EP, vous pouvez le gagner ce matin, Alex. Le bail, il est dans mes mains. Alors moi, ce que j'aime bien ici la radio, c'est qu'on a encore une platine CD ou deux qui traîne, et j'aime bien passer le CD directement. Je trouve que le son, il est bon, il est. Je trouve que c'est collector, quoi, non? C'est ça, et puis on reste attaché quand même aussi au. Au CD. Ah ouais, bah, là, il reste une platine CD à la radio, une belle, hein, elle est toute neuve, hein. Bah, justement, de temps en temps, on met un CD dedans. Moi, je fais pas d'émission en CD, mais il y a des animateurs encore avec des CD. Puis là, on a écouté la version CD de Stoppé. La vie, justement, en parlant de cet album, bah, ça a pas arrêté d'appeler. Hein. J'ai sélectionné au hasard. Bon, au hasard. J'ai pris une ligne. Et je crois que c'est Stéphane qui est là au téléphone avec. Bonjour, Stéphane. Oui, non, bonjour, c'est Groland Royal. Ah, en plus, c'est l'imitateur radio, hein, t'as vu? Salut, comment tu vas bien ce matin? Bah, ça va tranquille, et toi, mon Francky? Eh ben, on est bien, nous, avec Alex Lebaille, tous les deux les casquettes. Là, ça sonne encore à la radio, c'est ça qui est énorme, tu vois, j'adore. Moi, j'adore quand... En plus, j'adore regarder son clip, là. Il y a un clip qui a été tourné à Orléans, il est magnifique, son clip, là. Ah, ça, c'est bien, les gens qui s'intéressent comme ça aux auteurs, aux compositeurs, aux musiciens. Ça va, ouais, ça a été tourné à Orléans. Attends, on va poser la question à Alex. Alex, Orléans, le titre, ouais. Oui, c'est sur le titre éphémère, hein, j'ai vu le commentaire de Stéphane. C'est éphémère, ouais. Ouais. Oui, en effet, il a été tourné sur Orléans. Pendant le Covid, on a eu l'autorisation de la mairie pour pouvoir filmer dans les rues vides d'Orléans, donc c'était super sympa. Ouais. Ah ouais, il est beau, magnifique le clip. Au moins tranquille, vous étiez tranquille au moins. Oui. Ça faisait un peu penser à Walking Dead, non? Stéphane, heureux de t'offrir cet EP à la radio, disponible. Bah, vendredi, si tu passes nous voir apparemment, tu pourras le récupérer, il sera dédicacé par Alex, voilà. Eh ben, c'est gentil à lui, merci beaucoup. Tu vas pouvoir écouter ça à la baraque, ou dans la bagnole, ou sur le scooter, ou où tu veux. Non, mais il faut un lecteur CD. Ah bah, j'ai une chaîne ici qui fait lecteur CD, donc c'est parfait. Ah bah voilà, si t'as une chaîne ici, alors c'est nickel. Je savais pas que ça existe encore, les chaînes ici, moi. Ça existe encore? Si, ça existe. Ah ouais, encore. D'accord. Le truc que tu voyais sur les programme télé derrière, tu te rappelles, Alex, hein? Allez, je me rappelle. En tout cas, merci Stéphane, belle journée. C'est quoi le programme aujourd'hui, Stéphane, pour toi? Pas rien. Ah bon, bah c'est un beau programme, rien. Alors là, je veux te dire, champion du monde, Stéphane. Ouais, il fait beau, tu vas te balader un petit peu, tu habites de quelque part. Ouais, je vais aller faire un tour de vélo. Ah bah voilà, le vélo, c'est bon pour le cœur. Exactement. Eh bien, bon vélo. Nous, on continue l'interview avec Alex Lebaille qui nous accompagne. Eh ben, je continue à vous écouter. Bonne journée, messieurs. Merci, salut. Et puis, vendredi pour récupérer ton album. Ça marche, je ramènerai les croissants. Ah bah voilà, ouais, je vous rappelle que l'abus de croissant est dangereux pour la santé, hein, pour le bide. Exactement. Le bide, c'est le pire, les mecs. Hein, toi, t'as pas de bide, Alex, tu t'en fous, toi. Salut, Stéphane. Salut. Ah, je t'adore. Alex Lebaille, notre invité jusqu'à 9h. On se croirait sur une radio internationale, presque, hein, une radio nationale, en tout cas locale, ça c'est sûr, et qui fonctionne très très bien. Mon ami, la suite, alors tu disais concert, studio pour un nouvel album qui arrive. C'est quoi, ça sera un EP avec 6 titres, 7, 8, 9, il y en a plus, non? Il y aura 8 titres sur celui-là. Ah, un petit peu plus alors. Deux gros gros singles qu'on sortira l'un après l'autre. Et puis après, 6 chansons qui vont compléter l'histoire que j'ai commencé sur le premier et que les auditeurs ont pu découvrir. Bien sûr, tu disais des titres qui vont ressembler plus à I Feel My Song. C'est ça pourquoi ce titre phare que t'aimes bien, que tu préfères aussi. Moi c'est un de mes préférés. Bon alors le premier c'est celui-là, après c'est La Vie. Tu tournes autour de ces consonances un peu à Indochine entre guillemets. Souvent. Moi la première fois que je l'ai écouté celui-là, j'ai dit putain c'est du Indochine ça. C'est vrai, je le répète hein, tout le temps, mais après tout le monde nous écoute pas au même moment. Et c'est vrai que ce titre, on va le réécouter dans quelques minutes, mais je le kiffe, quoi. Oui, non, mais il est sympa. Mais du coup, on a voulu garder un petit peu cet esprit vraiment plus pop. Plus un peu mouvant, qui bouge. Après, des titres un peu plus lents, plus slob, comme on dit, qui racontent peut-être une belle histoire aussi. Oui. Ouais. Mais là, on a voulu prendre quelques risques. Et puis, j'en dis pas trop, mais il y aura des surprises vraiment sympas. On va pas savoir ça. Même pas un petit bout, non. Un petit truc qui traîne, une petite anecdote sur ce nouvel album qui arrive bientôt dans les bacs. Non, mais il va vraiment être très tendance. C'est pop, électro, non? Toi, t'es pas trop autour de l'électro, peut-être un peu plus. Il y aura quelques sons quand même un petit peu plus électro, mais qui resteront quand même jouables pour moi en concert. Oui. Quand même, mais. C'est quoi ton public aujourd'hui? Le public est plus rock, plus électro, plus reggae, plus je sais pas, tendance cool. Soul music, non? Non. T'as pas de public? Non. T'as un public, bien sûr. Oui, mais. J'ai vraiment un public qui est... Je vais voir AC/DC, bon, je sais pourquoi j'y vais. Oui, pour Hard. Mais toi, qui vient te voir alors aujourd'hui? Non, c'est vraiment... De tout c'est éclectique. C'est vraiment tout le monde. Et puis, c'est plus... Les gens le voient plus aussi comme de la variété, peut-être aussi un petit peu, ou comme ce que Vianney pourrait faire, hein, ce genre de... Ouais. Les gens, on peut pas l'ancrer réellement dans un gros, gros style de reggae, rock... Donc, de tout qui vient me voir et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu bosses avec la Jari, niveau vocal, tu les rencontres assez régulièrement en studio. Vous bossez ensemble depuis quelques temps. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble avec la Jari? Benoît, ça doit faire je une... Je salue Benoît qui est mon ami. Oui, salut ça Benoît. Doit faire une bonne année. Ce matin. Ouais. Ça doit faire une bonne année maintenant que, bonne année. Qu'on se voit. Bah justement, je me pose la question, une bonne année que tu bosses avec la Jari. Bah on attend quoi le pas, je vais pas dire un duo parce qu'ils sont plusieurs mais le rassemblement la Jari and justement Alex Lebaille un titre non ça jamais ça a fusé l'idée. Non, un titre non. Par contre, peut-être qu'on se retrouvera sur une scène, sur une scène plus tard. Mais ça, on vous en parlera au fur et à mesure. Ah bah en tout cas, on aimerait bien vous voir tous les deux sur scène avec Benoît et puis toute son équipe, qu'on apprécie la Jari d'Olivet. On les salue au passage. Alors, le nouvel EP, il sort dans combien de temps cet EP? Je veux tout savoir. Je vais essayer de te piéger un petit peu, mais non. Il va pas sortir tout de suite. Ça fait déjà 6 bons mois qu'on travaille dessus. Tout est prêt. Les morceaux sont tous prêts. Les titres sont prêts. Non, ils sont pas prêts parce qu'on profile. On essaye vraiment de faire quelque chose de lourd. Donc là, on a encore pas mal de boulot. Et puis après, il y a toute la partie commerciale pour pouvoir le sortir et pas. C'est du boulot. C'est gaffe au nom, on va pas tromper dans les noms parce que on sait que t'as eu des petits soucis avec le premier nom. C'est ça. Ouais. Et c'est pas. Il est fait, on le sort tout de suite parce que autrement, ça fonctionne pas. Donc faut y aller aussi petit à petit. Step by step, comme on dit. Avant l'été prochain, il sera sorti. Ouais. Il y a qui dedans? Il y a toujours Pierre-Étienne Michelin. On le salue au passage. Oui, il me suit. Il faut qu'on le rappelle, un de ces quatre. Hein. Ouais. Oui. Et puis du coup il y a un nouveau bassiste qui s'appelle Bruno Ramos qui est super connu dans le coin. C'est pas le mec de la politique Ramos là non. il était à l'ICP Studio donc pour ceux qui connaissent pas c'est un studio à Bruxelles où Soprano un peu tout le monde a enregistré là-haut. D'accord. Donc il envoie du lourd, hein, il est sur tous les magazines bassistes etc. Donc un super gars. Et puis bah toujours le même studio d'enregistrement, Marmelade Production, ouais. À Saran, toujours. Donc voilà. Comment tu fais pour rencontrer des artistes comme ça, comme ce bassiste, le guitariste, etc. Des gens comme ça. Comment t'arrives à les rencontrer ? Eh ben j'en ai aucune idée. C'est vrai, ça arrive comme ça. Ouais, ouais, non, c'est le hasard qui fait que on se rencontre, on discute. Mais c'est quoi, puis, ça kiffe tout de suite le rendez-vous, vous plaisez, enfin vous plaisez musicalement bien sûr. L'alchimie se fait tout de suite. Mais après oui, forcément, il faut qu'il y ait quelque chose qui tape quoi. Sur un projet comme ça, il faut que le feeling passe et voilà, si on n'est pas à l'aise pour travailler les chansons et qu'on prend pas plaisir à les jouer, c'est la priorité. C'est ouais. Ça. En tout cas, de belles rencontres avec toi. Tiens, bah j'ai fait gagner un deuxième, il m'en reste un. Hein, il est 8h14. C'est Stéphane qui a gagné cet album qui viendra récupérer vendredi à la radio. Bah justement, on écoute Eiffel Hassan. On l'écoute ? Ah bon, on l'adore. Vous voulez gagner cet album, vous m'appelez juste après 02 38 43 48 00. C'est notre invité Alex Le Bail en direct. Hier je t'ai croisé dans la rue, ton bras m'a frôlé presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Je sais pas pourquoi, mais c'est le truc que j'écoute en boucle en ce moment. Et tu l'aimes bien celle-là. Hein. Ah celui-là, non mais celui-là j'adore, je le kiffe. Depuis le début, je t'avais dit, hein, celui-là, je le kiffe. Notre invité, il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et l'invité du jour, si vous voulez gagner cette EP justement de Alex Le Bail, vous m'appelez. Justement, j'ai eu deux appels, là, j'ai répondu trop tard. 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00. Vous m'appelez tout de suite, là, je vous offre l'album d'Alex Le Bail. 02 38 43 48 00. Un coup de téléphone, un album. Et voyons comme ça, c'est simple et c'est magique. Justement, on parlait de chansons, de peut-être de duo. Avec qui tu aimerais être sur scène, faire un duo, je sais pas, un chanteur qui est connu, je dis, je sais pas, moi, Phil Collins, un mec comme ça, moi, des petits, quoi. Ma réponse, tu la connais en plus. Hein. Ouais, je la connais, mais j'aime bien te la poser parce que chaque fois, c'est jamais les mêmes auditeurs qui nous écoutent ou différents, comme ça, on connaît un petit peu la vie d'Alex Le Bail, ça serait qui Bah, forcément, ce serait les gens avec qui je me suis retrouvé sur leur playlist l'année dernière, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et donc, ce serait avec Nicolas Sirkis d'Indochine. Ah, bah, oui, bien sûr. Mais moi, je te verrais bien, ouais. Je sais pas pourquoi. Là, même le titre, là, avec Indochine là, je sais pas pourquoi je vous vois sur scène, je vois déjà le groupe là avec toi là. Ça serait merveilleux. Ah, ça serait génial. Imagine, là, Nicolas, il t'appelle, il dit, bon, bah, tu viens avec nous au Zénith, là, on va faire ton titre en live. Voilà, impeccable. Ouais. T'aurais pu le proposer, Indochine, non? Oui, oui, j'aurais pu, mais... Non, tu veux pas, non, tranquille. Bah, j'aimerais bien recevoir un dossier d'ici, hein. Ah, ça serait chouette, hein. Ah, ça serait sympa, hein. Je crois qu'on serait le premier à le faire, hein. Mais oui, oui. Ah, là, il ferait la gueule, tous les France Bleu, les machins, hein. Non, on se marrerait bien. En tout cas, on est heureux de te retrouver, ce matin. L'album, La Vie, toujours dans les bacs, hein, toujours disponible. Oui, oui, toujours disponible aux espaces culturels, sur Internet. Internet partout, légal, faut le, hein. Oui, oui, ben, directement auprès de moi, pour ceux qui veulent un petit mot dessus, il n'y a pas de soucis. Et voilà, et ben nous on vous l'offre légalement ce matin, c'est gratos, c'est voilà. Gratuit l'album, vous m'appelez 02 38 43 48 00 et cet album il est pour vous ce matin, 02 38 43 48 00. Musique, on en parle, professionnel, comment que ça se passe la musique aujourd'hui en 2022, l'après-Covid, est-ce que c'est plus compliqué qu'avant, est-ce que c'est plus facile, est-ce qu'on arrive à s'en sortir quand on est artiste comme toi, ou alors à côté il faut travailler malheureusement pour gagner sa vie. Moi, je suis tout seul en autoproduction, sans label, sans maison de disque, ni rien. D'ailleurs, je lance aussi un appel. Ah voilà, bah vas-y, hein, on est là pour le ça. Prochain, je voulais m'assumer tout seul pendant quelques années. Ouais. Et pour le prochain, je vais commencer à m'ouvrir un peu au label et maison de disque. Donc, ouais. Donc voilà. Mais Universal. Après, c'est un peu comme tous les boulots, hein, en fait. Il faut démarcher tout le temps, il faut donner tout le temps, il faut savoir se prendre un mur pour pouvoir avancer. Trouver des dates il faut défoncer des murs des fois. Ben c'est ça, hein, parce que se rend pas compte, mais sur une centaine de mails, je dois avoir 5 réponses. Sur les 5 réponses, il y en a 2-3 qui sont pas intéressés parce que c'est pas leur style de musique, c'est pas ce qu'ils font, et il en reste un qui me dit OK, mais j'ai pas de date avant temps, donc il faut y aller tous les jours, tout le temps et. Toi, t'es pas trop du genre à aller taper aux maisons de disques, etc., non? Non, je l'ai pas fait c'est encore. C'est quoi, parce que t'es timide ou alors on t'ose pas? Non, parce que je voulais montrer que tout seul, on pouvait quand même réussir à faire des choses. Et ouais. C'est aussi un petit peu le thème de cet EP, de cet album-là, hein, d'expliquer que la vie est dure, mais que, il faut toujours donner qu'on peut réussir. Donc je pense que cette étape du printemps de Bourges, on me retrouvera aussi sur France 3 l'année prochaine. Ah, hein, ça c'est bien. Ça. La semaine prochaine. Et ces deux étapes-là, je pense que c'était entre guillemets un petit peu l'aboutissement de ce que j'ai voulu moi m'assumer tout seul. C'est pour ça que à partir du prochain, oui, là, je vais m'ouvrir au label et maisons de disques et accepter propositions si jamais il y en a. Justement, tu dis toi, m'assumer tout seul. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de s'assumer, de dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que des fois t'as pas baissé les bras? Je dis pas que t'as baissé les bras, loin de là. Au contraire, t'as un mec qui se bat et on est fier de toi. Et c'est pas facile tous les jours, comme tu le dis des fois. T'as jamais baissé les bras, jamais tu t'es dit oh, allez, t'as jeté le CD contre le mur, j'en ai marre. Il y a toujours des coups de mou, toujours des moments de doute, mais ça c'est pour tout et pour tout le monde, hein, que ce soit dans le professionnel, l'amical, l'amoureux. Bien sûr. Hein. On a toujours des moments. Après, il faut être bien entouré, il faut avoir des proches qui reboostent quand il y a un petit coup de j'y arriverai pas. Ça c'est important, la famille pour toi, ta compagne, tout ça. Bah en plus tu es papa, en félicitations depuis. Quelques mois. Ben oui, 4 mois. Ouais, 4 mois, bravo. Et puis, moi, j'ai suivi aussi la naissance depuis le début. Je suis content. Et justement, c'est important la relation avec le couple, de pouvoir t'épauler, t'aider, même si c'est pas tous les jours facile. Hein. Ben oui, bien sûr, c'est important. Et puis, ça fait un tout. Hein. Il faut être bien dans son travail, il faut être bien dans sa vie familiale, et puis il faut être bien aussi avec ses amis. Et si on arrive à tout réunir, même si c'est pas facile, eh ben forcément, on peut que profiter de la vie. Ouais. Prochaine date, c'est quand la prochaine date là? Eh ben alors la prochaine date, ce sera Mont-de-Marsan, donc ça fait un peu loin pour les Orléanais. Ouais, mais bon, on pourra t'écouter. La prochaine date orléanaise, elle est à Chingy dans un certain bar à pizza le 9 juin. Ça va être sympa alors. donc ça va être chouette. En tout cas, Alex Le Bail, l'EP, il est disponible ce matin musicalement. Vous allez pouvoir l'écouter chez vous dans la chaîne ici, comme dit Stéphane. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Vous m'appelez tout de suite, 02 38 43 48 00. Et justement, on écoute le troisième extrait que j'aime bien. C'est Heure après Heure. Et on en parle justement de ce single juste derrière. Voici Alex Le Bail sur Un Arc-en-Ciel. jour après jour. Ayant l'album cartonne, ça y est, tout le monde est le standard et saturé, hein, Alexa. On accueille Françoise au téléphone avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Francky. Comment elle va bien, la Françoise, ce matin? Eh bien, ça va bien, je vous remercie. Eh ben, nous aussi, tout va bien. On est avec Alexandre Lebaille. Alors, ce qui est bien, c'est en direct ce matin à la radio. Et il est en train de dédicacer au fur et à mesure les albums qui sont gagnés, notamment le tien qui sera à ton nom, Françoise. D'accord, merci. Est-ce que ta voix, t'as écouté un petit peu Alexandre Lebaille, ça te plaît comme musique, ça va? Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup, oui. Eh ben, tu vas voir, tu vas mettre ça à la maison quand tu feras le ménage ou quand tu seras dans la voiture, peut-être, et tu vas voir, tu vas te régaler, Françoise. D'accord. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Françoise? Eh bien, je suis retraitée. Ah ben voilà, t'auras tout le temps de l'écouter, ce bel album, en tous les cas. Oui. Voilà, et en plus, il est dédicacé. Comme ça, quand tu le rends au Zénith, tout ça, dans un an ou deux, là, tu te diras, bah, je l'ai connu, lui, je l'ai connu, hein, oui. Là. Ah, voilà. Tu te diras, je le connais. Oui. Bon, François, c'est quoi le programme du retraité aujourd'hui à la maison? Eh bien, un peu de ménage. Ah, bah, ben voilà. Donc, comme ça, au moins, la maison, elle est nickel. Voilà. Eh bien, félicitations, Françoise. Alors, l'album est à la radio. Tu le passes le récupérer quand tu veux, hein? Si, comme... À l'adresse, comme, l'adresse? Voilà, l'adresse de la radio, c'est 266 Faubourg Bagné. Faut que tu passes le vendredi soir, après, dans l'après-midi, hein? Le vendredi dans l'après-midi? Ouais, après 17h, tu passes, hein? D'accord. Donc les albums sont dans mon casier Radio Arc-en-Ciel Franck Lemaire. Il y a pas de problème, j'ai un casier dédicacé à Alex Lebaille. Tu demandes et on va te le donner. Il sera dédicacé à ton nom, comme ça ils pourront pas se tromper, hein. D'accord, ben merci beaucoup. Ben Françoise, on te souhaite une belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, salut Françoise. Au revoir Francky, merci. Merci, au revoir. T'as vu, hein, c'est facile de gagner des albums. Hein, mais Alex, oui. Alors moi je suis sincère, hein, puis Alex est là pour le témoigner, hein. Le téléphone n'arrête pas de sonner, je peux pas prendre tout le monde parce que bah nous on n'a pas 15 lignes. Ah, hein, ça clignote de partout. Ça clignote là, j'ai le flash et j'ai pris un coup de soleil. Hein, oui. J'ai pris un coup de soleil avec le flash du téléphone. En tout cas il marche le téléphone, je peux te le dire. Ça c'est sûr et certain. En tout cas on est heureux de te retrouver aujourd'hui Alex Lebaille. Comme on vous le disait, le nouvel EP qui arrive pour l'été prochain peut-être, non? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, avec plein de choses à l'intérieur, on va pas en savoir plus aujourd'hui, mais j'essaye de le tirer les vers du nez, mais Il y aura peut-être un single qui va sortir avant quand même. Ah oui, avant l'été un prochain. Petit single, un petit single. Comment ça se passe aujourd'hui pour les médias, pour chercher des médias qui veulent t'accueillir? Par exemple, tu parles de France 3, on parle de Radio Arc-en-Ciel, on parle de France Bleu, etc., des médias. Est-ce que c'est facile de les contacter, de les avoir, la REP par exemple aussi? Les contacter, c'est très compliqué. Oui. Alors après, c'est super compliqué. Hein. C'est ça, il faut relancer, mais sans trop relancer, parce qu'autrement, ils mettent dans les spams. Ouais, après, ils bloquent. La France 3, j'ai eu la chance, c'est eux qui m'ont contacté pour faire. On fait 40 minutes d'émission jeudi 5 mai à 9h. Ah, bah oui, j'ai regardé ça à 9h en plus après la radio, donc voilà. On va regarder ça. Donc ouais. Là, c'est eux qui m'ont contacté, donc c'est beaucoup plus simple, forcément. Bah oui. mais après, non, bah, comme pour tout, il faut démarcher, et puis jusqu'au jour où eux seront intéressés. Ils font des choses, mais bon, il y a déjà eu quand même pas mal de choses de faites, donc ça fonctionne quand même. On va parler du titre justement qu'on écoutait juste avant, c'était Heure après heure, on aime bien ce morceau, reposant, tranquille. Oui. Comment tu l'as écrit ce titre, Heure après heure, par rapport à quoi? T'as regardé la pendule à un moment, tu t'es dit, la pendule de l'entrée, c'est arrêté sûr, mais il dit, Heure après heure, je vais faire un titre. Non bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand tu me demandais si on avait des moments de doute, etc. Mmh. Et là, cette chanson-là, elle est vraiment pour ça, on se lève et du matin au soir on n'a pas envie, en fait c'est la journée où ça passe pas, faut qu'on nous laisse tout seul et que là il y a ni motif ni rien, ni voilà, on est en plein doute, on est pas bien et voilà, donc c'est l'objet de cette chanson. D'accord, tu disais le deuxième EP là c'est la suite de la vie, oui. De ta vie, de ou la vie en général. En général, donc c'est vrai que mes chansons parlent à la fois de moi, mais aussi de ce que j'ai pu voir de mon entourage, de proches ou d'histoire que j'ai pu entendre. Donc c'est cette suite-là. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue, le nouvel EP. Ça m'intrigue. Je vais essayer d'en savoir hein, ce matin un petit peu avant 9h. tu es papa, tu es de nouveau papa. Oui. Depuis 4 mois. Oui. Est-ce que le petit va rentrer dans ce deuxième EP? Non, pas dans celui-là. C'est prévu? Un titre? Oui, je pense que oui, il sera prévu plus tard, mais là sur cette EP-là, non, c'est pas prévu. Ouais. C'est pas prévu encore. Ça va, il est en forme, il est bien. Oui, oui, oui. Bientôt, il va t'écouter à la radio. Vraiment du bonheur. Bah, il est venu au printemps de Bourges. Donc, ah ouais, ah, il a dû reconnaître papa alors. Il est et puis c'est un bébé sourire, donc, ah bah, ça donc va. C'est super agréable. Ouais, c'est agréable. En tout cas, on est heureux de te retrouver ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Alex Le Bail, qui est notre invité éphémère. Nouveau titre sur Radio Arc-en-Ciel. Jusqu'à 9h, on va s'écouter l'EP. Et ça me fait plaisir de te retrouver ce matin. Éphémère, alors le titre vite fait a été écrit pour qui, pourquoi, comment, comme ça? Alors ça, c'est un titre que j'avais écrit il y a une quinzaine d'années et qui est ressorti, que j'avais déjà enregistré à l'époque, mais pas aussi bien que là. Mm-hmm. Et puis qui est ressorti. Alors, il y a une petite anecdote sur la chanson de La Vie aussi, pendant que j'y pense. Ouais. Puisque là, c'est que le titre, il dure que tout 2054, après c'est fini. Hein. La chanson de La Vie qu'on a entendue tout à l'heure, je me suis fait reprendre par Pierre-Étienne Michelin, qui est mon batteur. Hein. On l'a eu au téléphone la dernière fois que tu étais venu. Ouais. Super mec. Et puis, donc il m'avait dit fais attention Alex sur ton refrain, tu dis c'est qu'on grandit, et du coup j'ai dû changer à c'est que l'on grandit, parce que c'est que... con, ça veut dire con, ouais, c'est ça, ouais. On peut l'oreille douter de ça, ouais, et, des cons. Et il m'avait raconté une anecdote avec Jean-Jacques Goldman où ils étaient tous en Corse là pour un concert, ouais. Et puis Jean-Jacques commence sa chanson graver les Corses jusqu'à saigner, ouais. Et puis ça a été très très chaud, hein, parce qu'ils ont dû sortir Les Corses, ouais, ils ont dû sortir de scène, il m'a raconté ça. Les Corses en plus, ils volent pas, ah ouais, les Corses comme les Corses ou les Corses de l'arbre, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc il m'a dit fais attention dans tes mots sur la chanson, c'est pour ça qu'on a changé ça sur La Vie. Ah ouais, graver les Corses, on n'a rien contre les Corses, ça va même pas nous faire péter la radio. Éphémère, c'est le titre, nouvel extrait de cette EP La Vie que vous pouvez trouver dans les bacs bien sûr, et disponible sur les plateformes de téléchargement légal s'il vous plaît. Ce matin on en a fait péter 3 quand même à la radio. Ouais, c'est pas mal, hein. Éphémère, c'est tout de suite. Alex Le Bail sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil. Il est notre invité aujourd'hui. Et vous étiez nombreux à gagner justement cet album, cet EP qu'on adore. Là, on écoutait Éphémère, un titre qu'on aime forcément sur Radio Arc-en-Ciel, que vous allez aimer, comme Françoise qui a gagné son album tout à l'heure, qui va écouter, qui a la retraite, elle va écouter ça paisiblement chez elle. T'as vu, hein, c'est ce qu'elle a dit. Sur sa chaîne-fille. Sur sa chaîne-fille. Avec ouais. Stéphane. Avec Stéphane et tous des chaîne-fille en ce moment. On gagnera des chaîne-fille la semaine prochaine. J'imagine. Chaîne-fille, en tant que j'avais pas écouté, entendu ce mot-là. Hein. T'es encore une chaîne-fille, toi, chez toi? Non, je crois que maintenant mon seul lecteur CD c'est le l'ordi, la console du petit. Ah ouais, d'accord, ouais, ça va loin quand même. Hein. Et puis après dans la voiture. Ouais. Et l'ordi, ouais. On met combien de temps à écrire un EP comme La Vie? Combien de temps ça t'a pris? Ça dépend. L'écriture en tout cas m'a pris vraiment rapidement. Je pense que j'étais à une étape de ma vie où j'avais besoin de parler et de poser des choses par écrit. La musique, pareil, dans la foulée, j'avais mes idées de ce que je voulais faire en musique. Ouais. Et après, entre l'enregistrement et la sortie, il faut compter entre 8 mois et 1 an. Ah ouais, ça met du temps de réunir tous les musiciens, de trouver les bons accords, les bonnes paroles. Oui, et puis il y a plusieurs étapes. En fait, d'abord la pré-production où on met un petit peu tous les, on écrit tout sur partition, on va dire entre guillemets. Et puis après la phase d'enregistrement, et puis après toutes les déclarations, tout ce qu'il faut, etc. pour pouvoir sortir et protéger l'œuvre. Mmh. Et puis après, la sortie officielle. Protéger l'œuvre, c'est super important. Oui, t'as connu l'expérience. C'est ça. Ouais. Une mauvaise expérience, malheureusement, qui, ça va, tu t'en sors un petit peu avec cette expérience. On rappelle, t'avais pris un nom, ton nom, hein, que ça, Alex B à l'époque, c'est ça? Alors, L-B. Oui, Alex Le Bail, j'ai mis L-B, et puis il y a une artiste parisienne qui a trouvé ce nom, le même que toi. Qui avait le nom, mais sans le tirer. Donc elle pouvait pas forcément faire trop grand chose, sauf qu'elle m'attaquait sur le côté passage radio et phonétique, comme quoi on entendait la même chose que en parlant d'elle, et que du coup on la retrouvait plus. Gaffe. Voilà, c'est ça. Faut faire gaffe. Mais bon, non, ça fera une histoire à raconter plus tard. Bah ouais, une belle histoire à ton enfant, tu pourras lui dire. Oui. Les désaventures, si tu savais comment on en arrivait là aujourd'hui. C'est ça. T'envisagerais une tournée d'été, Alex Le Bail? Oui. Ouais, moi, je vois bien une grande affiche avec plein de dates un peu partout. Ben ouais, voilà, ça commence à se remplir et c'est plutôt pas mal. Mais moi, je le répète, si mairie, bar, justement, etc. veulent. La fête de la musique. Bon, je pense que tu dois te booker, à mon avis. Ouais, la musique, la fête de la musique. Oui, mais il n'y a pas que la fête de la musique en France. Hein, il y a plein de fêtes. Il y a plein de trucs à faire, même le dimanche, le samedi, je sais pas. Les mairies là voulaient faire un événement. Alex Le Bail, il est là. Vous nous contactez à la radio et je vous mettrai directement en relation avec lui. Hein, 02 38 43 48 00, si vous êtes de l'autre côté de la radio. Vous cherchez un événement. Justement, moi, tiens, j'ai peut-être un plan pour toi. On va en parler en antenne tous les deux. Parce que j'ai une pote qui a fait une guinguette, pas loin d'ici. Et à chercher des artistes, justement, faudra que t'ailles la voir, hein. Ça peut être sympa. Avec plaisir. Parce que les guinguettes, c'est là que tu rencontres plein de gens. Et, c'est bien parce que c'est familial, c'est convivial. En plein air, en plus. Et puis, souvent, il y a du monde. Et, des fois, ça peut démarrer d'un ruisseau comme ça. Hein. C'est ça. C'est quoi le programme d'un artiste comme toi aujourd'hui, par exemple? Promotion? Studio. Enregistrement du prochain. Notre international Pierre-Étienne sera là fin juillet. Fin juillet. Donc ouais. Donc ça pourrait être sympa de venir te voir. Si vous êtes là. Avant d'aller au studio. Carrément. Là je serais fier de le rencontrer quand même. Le mec il a bossé avec les plus grands. Tu mettras un tapis rouge. On l'annoncera dignement. Cinquième extrait de cet album, cet EP, La Vie. Le tourment de quoi, Alex? C'est la chanson la plus rock de cet EP, donc celle qui bouge le plus. Et voilà, donc là on est, comme son nom l'indique, hein, le tourment, donc on n'est pas forcément, on sait pas trop où on en est, c'est un petit peu un cri de... Un SOS? Ouais, un petit peu. Un ras-le-bol de tout, un petit peu. Tous les cris des SOS. Ça ressemble pas du tout, mais on l'écoute. Le tourment en exclusivité, 8h40, Radio Arc-en-Ciel, Alex Le Bail, qui sera peut-être bientôt chez vous, dans votre salon. Ça serait bien ça, non? T'aimerais pas un auditeur gagner un concert showcase chez ouais, soi? Ça pendant, peut être sympa, pas 3 heures, mais je sais pas, un petit quart d'heure, Alex Le Bail, chez toi, dans ton salon, pendant l'apéro. Ouais, ça peut être sympa. Je propose déjà ce genre de choses pour les particuliers, donc... Donc à faire gagner, ça peut être sympa un jour, pourquoi pas, oui. Ouais, on va mettre ça en place, hein. Le tourment, Alex Le Bail, c'est sur la console, et là, ça sonne rock. matin, comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme à clé mes sentiments, amour imparfait. Tu m'as bien vu ce soir. Comme toutes les semaines, sur un phare éteint, j'entends les sirènes. Un seul mot d'ordre, une seule vérité, ce que je trouverais pas ça, ma réalité. Ce matin, on est heureux de le retrouver, il est là dans les studios. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bonjour Alex Le Bail. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel avec Franck Lemaire. Voilà, il y en a qui viennent d'arriver, hein, tu sais, qui écoutent la radio que maintenant, hein, ceux qui vont bosser à 9h là, dans les bagnoles. Il est notre invité ce matin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en plus il y a des albums qui viennent d'être gagnés depuis tout à l'heure. Il y a Françoise, il y a Stéphane et puis il y a M. Farléa qui ont gagné leur album. La vie, l'EP avec l'intérieur La vie, je te le dois. D'ailleurs c'est le dernier qu'on va écouter. Heure après heure, éphémère, le tourment, avec Phil Alexandre, on écoutera à la fin de la matinale, celui-là, à 9h, pour se quitter en beauté, comme on dit. Heureux de te retrouver ce matin, d'habitude, des studios de la radio Arc-en-Ciel. Je te remercie d'ailleurs une nouvelle fois pour ton accueil. C'est comme ça, le téléphone qui arrête pas de sonner. Tiens, on va prendre quelqu'un au téléphone, on va voir. Et pour tout, j'adore. Un plaisir avec toi. Moi, ce que j'adore, c'est prendre le téléphone. Ah ben voilà, ça appelle et voilà, ça répond pas. Alex De Baille, juste avant de te retrouver, on va l'horoscope. Tu connais l'horoscope? Ouais, tu sais ce que c'est l'horoscope? Oui. Bah, non, t'es quel signe toi? Moi je suis Gémeaux. Eh ben voilà, on va faire l'horoscope tout de suite avec Alexandre De Baille. L'horoscope, c'est maintenant. Alors, un horoscope un peu spécial, un peu Alex De Baille. On démarre avec les béliers ce matin. Alors les béliers, l'attitude de votre partenaire est plus froide que d'habitude. Les taureaux, votre ciel affectif du jour laisse présager une bonne entente amoureuse. Les Gémeaux, tu dis, c'est quoi comme ça? Oui, je suis Gémeaux, moi. Gémeaux, alors, vos rapports familiaux vous causeront probablement quelques irritations au cours de cette journée. Ben, c'est pour ça que je suis venu ici, comme ça, au moins je les vois pas. Non, ça, je les vois pas, et puis. Tu t'es pas engueulé avec ta femme? On dispute pas. Tu t'es pas engueulé avec ta femme? Non, bon, non, ah non, bon. Non, pas du tout. Ah, bah, ça va. Les cancers, vos amis ne vous appellent plus. Ah, ça, c'est moi, je suis cancer, les boules, putain. Et vous vous sentez un peu délaissé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est, et en plus, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est souvent comme ça, malheureusement. Les lions, vous êtes partagés entre l'envie de préserver le statu quo et celle de faire bouger les choses. Les vierges, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Les balances, si vous vivez en couple, vous entrez dans une très très belle période en ce moment. Les scorpions, soyez plus attentionnés avec votre partenaire où la situation risque de mal tourner des fois. Les sagittaires, vous pourriez vivre une aventure délicieuse, coquine, au moins mettre du piment dans votre vie. Les capricornes et célibataires, vous ne serez pas facile à séduire aujourd'hui. Les verseaux, les couples seront surtout préoccupés de conforter leur union, et ça c'est super important, l'union. Et enfin, les poiscailles, les poissons, vous nagez dans le bonheur. Non, je rigole. En couple, vous filerait le parfait amour aujourd'hui. Bah voilà, des bonnes nouvelles. En plus, je viens de voir à la radio, il y a Monsieur Faria qui va d'arriver, je crois. On va s'écouter un titre et puis on va le recevoir. Si ouais, bah, génial. Tiens, un bon titre des années 2000. Tiens, comment ça s'appelait le... Easy Love. Ah, c'était bon, Lady. Je peux te rappeler ça, ça cogne un oui, peu. Oui, ah, oui. Ouais, on se bouge. On se bouge un petit peu. Et puis on va accueillir Monsieur Faria. On va le prendre en studio avec nous. Il vient d'arriver, je vais voir en caméra. Easy Love et puis Alex Lobaï. Le dernier titre qu'on va écouter, c'est Je te le dois. Et puis on finira à 9h avec le titre. I find the song. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Voici Lady, Easy Love. Belle journée, bon réveil. 8h45. Speak it to me, parle-moi, je parle. Tu t'améliores en anglais, c'est bien. Hein. C'est vrai, je me suis amélioré en anglais. Avant j'étais nul, maintenant j'ai 10 sur 10. Hein. Ah, je prends des cours. Hein. L'invité du jour, il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. I feel like song on you. L'invité du jour, c'est Alex Lebaï dans nos studios de la Radio Arc-en-Ciel. On est heureux de le retrouver après le printemps de Bourges. Et ben, il est venu nous faire un petit coucou ce matin. Et puis alors, c'est rigolo parce que ce matin, on a fait gagner des albums. Alors ça, là, c'est le mec le plus rapide du monde. Oui, c'est ça. Il est venu chercher son album ce matin. C'est Monsieur Feria. Bonjour Monsieur Feria. Bonjour. Ça va la forme? Tu m'entends? Ah, bouge pas. Ah, parce qu'il a peut-être pas monté son casque, c'est pour ça, ouais. Il faut qu'il tourne le volume. Voilà, Monsieur Feria. C'est bon, tu t'entends là? Voilà. Ben, c'est pas grave, on va. Eh, si, il faut. Voilà. Il s'entend, Monsieur Feria? Tiens, prends le casque d'Alex. Voilà. Change le casque. Voilà. C'est rien, c'est les élèves du studio. On est en direct ce matin, 8h49 minutes. Est-ce qu'il t'entend, Monsieur Feria? Tu t'entends? Oui. Ah, voilà. On va changer de casque. Parce que, à mon avis, il y a un casque qui, voilà, il marche pas. Ou alors, il y a bon. On va trouver un nouveau casque, en direct ce matin. Comment il va bien, Monsieur Feria? Ça va. Merci d'être passé 3 minutes pour récupérer l'album. T'es l'homme le plus rapide de la planète, toi. Merci, moi. Ouais, ça me fait plaisir. Les vacances pour la petite gamine, elle est avec toi. Comment s'appelle la petite? Non, c'est pas la petite, c'est la grande. Ah non, mais la petite, c'est façon de dire. Elle est pas si grande que ça. Celle-là, elle s'appelle Francisca. Francisca, ça va Francisca? Oui. Bon, t'es en forme? Oui. Eh ben voilà, Alex, il a trouvé un nouveau casque. Mais oui, tout va bien. T'as vu, quand on peut trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Je sais pas qui c'est qui a bidouillé les casques encore à la radio. Hein. Mais tout ça va changer toute ta technique, là. Vous allez voir. Hein. Ouais, t'as un truc de ouf. Hein. Eh ben, on t'a donné ton album. T'es contente? Tu vas l'écouter à la maison? Oui. Bon, pas d'école aujourd'hui? Non. C'est pas le jeu du oui ni non. Hein. En tout cas, merci d'être passé ce matin. Un petit café, mademoiselle? Non. Bon, et papa, il boit pas de café non plus? Non. Comment il va, le petit nouveau? Bien. Ça va? Combien de temps? Ça fait un mois aujourd'hui, monsieur Feria. Oui, c'est ça. Bah, félicitations. T'as vu, il est nouveau papa aussi. Comme Alex. Alex, il y a 4 mois. Bah, toi, il y a 1 mois. Voilà. Là, ça produit en ce moment. Hein. Merci, monsieur Feria. L'effet Covid. Ouais, c'est le Covid. Ouais, ça a rassemblé les gens. Maintenant, c'est à toi de me ramener un petit. Ouais. Voilà. Ah, on va en ramener un. Il n'y a pas de problème, monsieur Feria. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous rendre visite. On te donne ton album. Merci beaucoup. Merci moi. Merci, Francisca. De rien. Elle est mignonne, la petite gamine. Hein. En direct ce matin, Alex Le Bail pour vous parler de cette EP, puis de la tournée aussi, et puis aussi du nouvel EP qui va arriver. J'espère qu'on en saura plus dans quelques minutes avec lui. En tout cas, on est heureux de vous retrouver ce matin. Le dernier extrait qu'on a écouté, mais on réécoutera à 9h mon titre préféré, I Feel My Song. Et je te le dois, ce titre-là, écrit pour qui, pourquoi, comment a été écrit ce morceau? Alors, celui-ci, on a toujours une personne que, même si on la côtoie plus, même si on la voit plus, même si on est fâché, voilà, peu importe, hein, que ce soit la distance ou autre, on a toujours une personne à qui on doit quelque chose, que si à un moment donné on s'est rencontré, c'est qu'on a toujours, on a des souvenirs, ouais. Et puis on a des choses. Moi, un souvenir. Donc, un souvenir avec Francky. Oh, bah, nous, des souvenirs, on en a plein, nous, bah, non, Alex. Donc, on doit toujours forcément quelque chose à quelqu'un, même si on est fâché avec. Donc, ne jamais oublier ça. Et, comme on m'a toujours dit, n'oublie jamais d'où tu viens. Ah ouais. Donc, c'est important. Donc, c'est vrai que même si on se parle plus, eh ben, c'est pas pour ça qu'on n'a pas vécu des bons moments. Et je pense à un ami en particulier. À qui, je ne parle, enfin, on se parle plus depuis un an et demi et qui était un ami très très proche. On se connaissait depuis le lycée à Orléans, hein. Et voilà, les histoires d'adultes ont fait que on se parle plus maintenant, mais on a quand même des bons souvenirs. Moi, j'en garde quand même toujours des bons souvenirs. On va en parler après ce titre qui s'appelle Je te le dois. On va parler de la nouvelle star. Quel souvenir. J'ai vu des photos de la nouvelle star. On va en parler juste après, si tu veux bien. D'accord. Ouais, Je te le dois. Radio Arc-en-Ciel. Je te le dois. Je te le dois. Pas de vrai, pas de cri. Ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni. Vie accomplie, journée sans. Je te le dois. Je te le dois. ça, je te le dois. C'est vrai que les titres sont courts, celui-là, il est court, hein. Ouais. Ben oui, ben après, pourquoi c'est les standards pour les radios. Ouais, pour les radios. Ben oui, parce que savoir qu'en radio, il faut les petits standards, parce que quand les titres sont trop longs, des fois, les radios les prennent pas. Voilà, ouais. Juste avant de parler de la nouvelle star, j'ai vu des photos passer, on vous rappelle l'événement de la radio. C'est ce samedi, c'est à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, le grand bal de la radio, parce que la radio fait des balles de temps en temps. Oui, on appelle ça les balles à l'ancienne. Avec sur scène la chanteuse Agatha, qui vient du Portugal, et le groupe Capanegra qui font la première partie. C'est à Saint-Privé-Saint-Mémin, c'est à 21h, voilà, la grande soirée des œillets. Avec Radio Arc-en-Ciel, ne ratez pas cet événement. Saint-Privé, Saint-Mémin, samedi, 21h. Il y aura du monde, et puis il y aura nous, peut-être, les animateurs. On viendra vous voir, on fera des bisous. Bah, des bisous de loin, parce qu'avec le Covid, maintenant, faut faire attention quand même aussi. Hein. Voilà, faut rester libre. Hug. Hug, voilà. Alors, la nouvelle star. Bon, on ça n'existe plus, la nouvelle star. Non, mais... non, ça n'existe plus. on a connu la nouvelle star. T'es passé la nouvelle star, toi. Oui, c'était en 2005, je crois. Ah oui, la vache. Donc, il est revenu en arrière. Ça remonte un peu. C'était dans ma période concours de chance où j'ai fait pas mal de concours de chance. Comment ça s'est passé? T'es passé avec qui? Maria James, tout ça? Non, à l'époque, c'était ça? Non, c'était qui? Non, moi, j'ai passé les deux premiers pré-casting et puis je me suis banané sur le deuxième, donc. C'est vrai. Ça se passe comment le casting à la nouvelle star? Tu t'inscris? Tu envoies un EP? T'envoies quelque chose? On vient très tôt le matin, on repart très tard le soir, complètement crevé, on n'en peut plus, on attend des files d'attente, des files de dingue. Ouais. Et puis ça passe à la chaîne. À la chaîne, comme les moutons. Allez, suivant. Et puis alors, résultat, ça donnait quoi à l'époque? T'as chanté quoi? Je me rappelle de celle. Alors j'avais chanté la première qui m'a fait passer, c'était le temps des cathédrales, donc celle-là, ça allait. Elle est dure celle-là. Hein. Mais en la deuxième, je sais pas pourquoi, j'avais chanté Dernière danse de Kyo. Pas facile. Et je l'ai pris en très très grave. Donc Dernière danse. Je sais pas chanter, moi. Oh là là. Donc ils m'ont dit que ils pouvaient pas se permettre de prendre quelqu'un qui était pas prêt à l'instant T et au truc, alors que c'était dommage de ce que j'avais fait avant du temps des cathédrales. Il t'impose pas les chansons. Non. Et puis voilà, donc je l'ai jamais refait après, mais j'ai fait pas mal d'autres petits concours. Hein, concours de chant d'Orléans, j'ai fini troisième. Puis j'ai gagné pas mal de concours de karaoké, tout ça. Mais bon, ça c'était à l'époque. À l'époque, quand t'étais chanteur. Quand j'étais chanteur. C'est ça. En tout cas, j'aimerais en savoir plus à mon 9h, la nouvelle EP qui arrive. Ça va, Victor qui arrive en même temps. Moi je dis bonjour à tout le monde en même temps, t'as vu, c'est le direct, on est bien. C'est familial, c'est bien. Le nouvel EP alors, il arrive cet été normalement. Il arrivera donc l'été prochain. Non, on n'a pas de titre comme ça qui te passe sous le nez ou qui... On va pas en savoir plus aujourd'hui. Non, il va y avoir deux thèmes importants sur les deux singles qui vont sortir. Il y en a un qui est d'actualité, qui est sur la planète et tout ce qui peut être réchauffement et en même temps avec les animaux et tout. Donc ce que j'aime, cette cause animale. Ah ouais, t'es à fond toi avec les animaux. La protection des animaux et tout ça. Ouais. Donc voilà, il y aura un single sur ça et sur ce sujet-là. Donc ça va être sympa. Eh ben regarde qu'on en sait un petit peu plus ce matin, juste avant 9h, pour se quitter, Alex, on va se retrouver juste derrière ce titre qu'on adore, I Feel a Song, et c'est mon coup de cœur. Et vous allez voir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre, vous êtes dans les bagnoles là. Pensez un petit peu à Indochine. Moi je dis toujours ça parce que la première fois que je l'ai écouté, je dis ça c'est le groupe Indochine. Sérieux, non mais je suis sérieux en plus. Mais non, c'est Alex Lebaille, il est dans les studios et moi je le verrai bien sur scène avec Indochine chanter ce titre et vous allez me dire ce que vous en pensez après. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. Pour moi c'est le tube. Pour moi. Hein. C'est la plus sympa. Ouais. Voilà, la plus sympa. I feel a song. Tu as du mal à le dire. I find a song. T'es prêt Alex? Allez. Tu nous fais l'intro ou pas? Vite fait. Si tu veux. J'envoie le son. Allez vas-y. En live, Alex Lebaille, et après on le retrouve. Juste le début, hein. Deux, trois paroles. Hier je t'ai croisé dans la rue, ton bras m'a frôlé presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. En direct avec Lebaille. Aujourd'hui premier rendez-vous, J'adore quand tu le fais. Fais-le un petit coup vite fait. Comment ouvrir à ce désir, te dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song that can. Oh, eh, bravo, bravo. Même Victor, il en peut plus, là. Regarde, il est là, il est comme un ouf, là-dedans. Il tourne comme un lion. Ça fait vraiment plaisir de, de t'avoir vu dans les studios, d'avoir passé un petit moment ensemble. Et puis, j'espère que les auditeurs ont apprécié mon univers. Bien sûr, ça t'as fait péter le standard ce matin. Attends, téléphone, je pouvais pas tout prendre tout le monde, hein. Excusez-moi si j'en ai raté, mais on avait dit 3 albums. En tout cas, merci d'avoir offert les 3 albums. Même si Farley est passé, il en reste 2 dans mon casier. Ils vont les chercher. Plaisir. C'est un plaisir partagé, moi. Alex, ouais. Et puis bah tu reviens quand tu veux. Hein, bah oui, avec grand plaisir. Oui. Hein, dès que tu fais un zénith avec Indochine, tu nous appelles. Voilà. Hein, moi je veux un badge VIP. Hein. Donc en fait t'as pas envie que je t'appelle, c'est ça, non? Si justement, bah, le jour où tu m'appelles, tu me dis tu. Mais as... si je t'appelle, tu vas dire mais Lyon, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais ça me ferait plaisir. Après, non, mais ça serait sympa, franchement. J'irai bien avec toi, je t'accompagnerai. Hein. Oui. Je t'accompagnerai avec plaisir. Merci Alex d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ouais, ça me fait vraiment. Victor qui arrive, il est là, il tourne comme un lion dans une cage. Victor, vous allez retrouver de la musique du Portugal. Là, c'est la transition, hein. On parle d'Alex Lebaille au Portugal, mais bon, c'est comme ça, c'est la radio éclectique. Voilà, on voyage dans le temps avec Victor qui est là dans les starting blocks avant 9h, la pub, comme toutes les radios. Et puis Alex, bah bon voyage à toi, bon courage. Bah oui, merci. Et puis on va signer quelques plans en antenne, et puis on se retrouve bientôt sur scène au Zénith avec Indochine. Et le jour où j'annonce ça, on est comme des loups. Là, mon frère, je t'emmène avec ma bagnole, moi. Direct. Ah, mon Francky, on se demandait si avec Nicolas, on pouvait venir en studio je vais voir. Le planning est chargé en ce moment. Moi, Indochine, hein, je vais voir. D'accord. J'ai d'autres invités avant. J'ai Peter et Sloan vendredi, déjà. Alors, justement, vendredi, ouais, j'ai Peter et Sloan. Enfin, Peter, pas Peter et Sloan, mais Peter, le chanteur. Vous le connaissez. Besoin de rien, envie de toi. D'ailleurs, je voulais remercier Tillade. C'est grâce à lui s'il vient ce vendredi à la radio. Vous l'avez connu dans Star 80, dans les années 80, avec ce titre, planétaire, parce que tout le monde le chante, tout le monde le danse encore, hein, dans les mariages, dans les soirées. Eh bien, il sera notre invité vendredi en exclusivité. Il sera là à ta place, Peter et Sloan, dans les studios de la radio. Merci à Tillade qui nous l'a décroché. Il va nous raconter la saison Star 80, l'après 80. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la musique de Goldorak, la bande originale de Goldorak, pour ceux qui connaissent le dessin animé, eh bien, c'est lui qui le chantait dans les années 80. Voilà. Donc, il sera là à ta place. Et je suis heureux de l'accueillir demain. Voilà. En tout cas, que des stars à la radio. C'est ça qui est bien. Que des stars. Et bientôt Indochine. Je suis au courant. Merci Alex. Merci Francky. Merci. Bonne journée à toi. Salut mon ami. Calinette Nettoyage. 117 Route Nationale 45 140 Ingré. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr.